Ô permets, charmante fille, que j'enveloppe mon cou avec tes bras. Hafiz. Or, messire Turpin de Montoiron revint en toute hâte chez lui. Le premier objet qu'il aperçut fut Bertrade. « Oh, le joli cavalier, monseigneur ! Si doux, si poli, si triste, plutôt fait, je vous assure, pour être jeune fille que le démon d'hier au soir. Au large, la bavarde !» Et le guidon se précipita dans la chambre. Un jeune homme était assis, le coude appuyé sur une table, la tête tristement penchée sur sa main. Son chapeau, posé près de lui, laissait à découvert sa belle chevelure blonde, dont les boucles nombreuses, suivant l'inclinaison de la tête, ondulaient gracieusement sur sa charmante figure, sur son cou blanc comme neige. En voyant entrer M. de Montoiron, ce jeune homme releva seulement la tête et, calme, sans bouger de sa place, il lui dit « Est-ce la mort que vous venez m'annoncer, messire ? Vous le voyez, j'y suis, tout préparé. » « La mort, charmante demoiselle, j'aimerais mille fois mieux la recevoir moi-même que la donner à si belle créature. Rassurez-vous, jolie huguenote, et voyez à vos pieds le plus humble de vos adorateurs. » Disant cela, le guidon mit un genou en terre, et souriant à l'étonnement qui se peignait sur la figure de son prisonnier, il ajouta « Votre frère m'a tout avoué. Il m'a dit que vous étiez une fille. » Et mes yeux m'assurent que vous êtes la plus jolie fille de France. Mon frère, une fille ! Charmante Odette, point ne feignez la surprise, je sais tout. Alors, messire de Montoiron, dites-moi ce que vous savez, ce que mon frère vous a dit, et tout ce qui s'est passé entre vous et mon frère. Beau gentilhomme huguenot, sur ma parole, que votre frère, jurant à merveille, brave, hardi, l'air décidé, mauvaise tête, et auquel, morbleu, il ne manque un peu plus de moustache pour faire un cavalier accompli. Celui que M. de Montoiron nommait Odette ne pouvait déguiser l'inquiétude qui le dévorait. Il n'osait faire de questions tant il redoutait les réponses, et ses grands yeux bleus, fixés sur le guidon, semblaient vouloir lire dans son âme ses plus secrètes pensées. M. de Montoiron continua. « Votre frère m'a conté, belle Odette, combien vous aviez peur de moi. Comme quoi, redoutant ma vue, vous l'aviez prié de changer de costume avec vous. Comme quoi vous disiez, quand on vous parlait de guidon de monsieur de Montpensier, « Ah, Dieu m'en garde ! Eh bien, jeune fille, que vous en semble ? Le voyez à vos genoux, cet effrayant, ce redoutable guidon, tremblant, implorant merci, et prêt à s'écrier à son tour, si le menaciez de votre colère, ah, Dieu me garde du courroux de ces beaux yeux bleus. Et qu'avez-vous fait de mon frère ? Demanda le prisonnier, n'opposant aucune résistance au guidon qui baisait sa main avec ardeur. En sûreté, ma belle huguenote. Jurez sur votre parole, messire Turpin. Sur mon honneur, fit Charmante, je l'ai conduit moi-même en croupe sur mon cheval, hors des murs de la ville, et je ne l'ai quitté que le sachant en sûreté. Mais, jolie Odette, pareil service requiert sa récompense, et le libérateur de votre frère l'implore de vous. Certes, l'aurez, messire Turpin. Parlez, qu'exigez-vous ? Votre amour, bel ange, le bonheur de ma vie, que tenez en main si belle. Demandez plutôt mon silence. Et un sourire ironique passa sur les lèvres du prisonnier. Votre silence ? Oui, messire Turpin de Montoiron, car le beau guidon de monsieur de Montpensier, le vainqueur de tant de belles, a été la dupe de l'une d'elles. Il a traité comme un soldat, comme un chevalier, la plus jolie fille de France. Lui-même l'a conduite hors de la ville, sans lui faire dire merci. Puis, il vient compter Fleurette, un vrai huguenot, baiser une main d'homme. Lorsqu'il n'y a qu'un instant, il y en avait une de femme à sa disposition. Vive Dieu, monsieur de Montoiron, ma vie est perdue, je le sais, mais l'honneur de ma sœur est sauvé. Je suis encore votre débiteur. Voici ma tête. Sur mon âme mignonne, la ruse est bien trouvée, mais on n'attrape pas si aisément le guidon de monsieur de Montpensier. En amour comme en guerre, il se venge des pièges qu'on lui tend. Tes lèvres vermeilles vont en recevoir la preuve. Sur quoi, enlaçant de ses bras la taille mince du prisonnier, riant à demi, forçant à demi, il voulut l'embrasser. « Halte là, beau Guidon !» Et le prisonnier, se débarrassant en un tour de main de cette étreinte amoureuse, étreignit à son tour M. de Montoiron dans ses bras et le serrant à l'étouffer, à lui rendre impossible de faire un seul mouvement, il ajouta « Sont cela étreintes de femme, beau Guidon ? M'est avis que vous devez vous y connaître. » Puis, sans laisser le temps à M. de Montoiron de revenir de sa surprise, le prisonnier sauta sur une épée suspendue à la muraille, la sortit du fourreau et cria « En garde !» Ce que fit le stupéfait Turpin. Mais soit réellement que le prisonnier fut plus habile que lui, soit que l'étonnement paralysa ses facultés, Jules Desmarets désarma son adversaire, lui fit sauter l'épée du poing et mit la pointe de la sienne sur sa gorge. Ce fut l'affaire d'un instant. M. de Montoiron en pâlit. « Dites encore, beau Guidon, sont-ce là jeux de jeune fille ?» Et rejetant son épée bien loin dans la chambre, le bel huguenot reprit modestement. « Je suis votre prisonnier, M. de Montoiron, disposez de moi. » Que pouvait-il faire, ce beau Guidon de M. de Montpensier ? Prendre son parti en brave. Et il le prit. Possible aussi qu'un regard qui tomba par hasard sur la bague d'Odette relevât son courage. Toutefois, présentant la main à celui qui se mettait ainsi à sa discrétion, il lui dit « Ah, Dieu garde que j'abuse de votre position, monsieur Desmarets. Vous êtes libre. Libre même d'aller de par le monde, courir et conter à aucun comment le Guidon de monsieur de Montpensier s'est vu le jouet de deux enfants. Allez, monsieur. Mais n'oubliez pas qu'il s'est vengé de vos tours, ainsi que doit se venger tout chevalier de France. Je vais moi-même vous remettre en liberté. » « Ah, monsieur de Montoiron, je suis vaincu de toutes les manières, et si je dis la vengeance, je tairai l'offense. » Ainsi la chose fut faite, et le secret tellement tenu que, bien longtemps encore après, chez les huguenots, quand on parlait du Guidon de M. de Montpensier, excepté Odette qui se taisait et devenait rouge comme une cerise, toutes les femmes s'écriaient l'une à l'autre « Ah, Dieu vous en garde !» Maintenant, je voudrais bien savoir si le beau Guidon de M. de Montpensier fit usage de la bague donnée par Odette et s'il eut récompense d'une si rare courtoisie. Certes, il le méritait. Et possible que la belle huguenote ne fût pas une ingrate. Tant il y a que l'histoire passant cela sous silence, j'en ferai de même. Priant toutefois ceux qui auraient appris la fin de ce touchant récit de me le faire connaître, et sur ce, leur disant d'ores et déjà « Merci ». Ici se termine la LED d'Eugénie Foa.